C'est Guillermo. C'est pour. C'est pour. C'est pour. C'est pour moi-même, pour tous les gens que j'aime. C'est pour les joies, pour l'amour, pour mes peines. C'est un besoin de crier toute ma haine. C'est pour ceux qui me soutiennent et pour ceux qui me comprennent. C'est pour ma famille et pour ma familia. Pour mes deux cassos, je serai toujours là. Pour ces souvenirs que le temps n'efface pas. Et enfin pour ma ville que je représente comme un phara. C'est pour moi-même, pour tous les gens que j'aime. C'est pour les joies, pour l'amour, pour mes peines. C'est un besoin de crier toute ma haine. Et pour ceux qui me comprennent, c'est pour ma famille et pour ma famille. Pour mes deux cassos, je serai toujours là. Pour ces souvenirs que le temps n'efface pas. Et enfin pour ma ville que je représente ma femme. Ah ça y est, maintenant t'as retenu la leçon. Guillermo, dès que tu m'entends, vas-y augmente le son. C'est pour tout ce qui est dit dans le refrain, mon refrain. Un peu plus frais car sur l'instru, j'ai lâché les freins. Depuis 2-0-6, j'ai pas changé de 0-6. Toujours la même balle après 2 années de service. Mais tu le sais, dans le rap, je suis toujours un novice. C'est Guillermo, les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes vices. C'est pour moi-même, pour tous les gens que j'aime. C'est pour les joies, pour l'amour, pour mes peines. C'est un besoin de crier toute ma haine. C'est pour ceux qui me soutiennent et pour ceux qui me comprennent. C'est pour ma famille et pour ma famille. Pour mes deux cassos, je serai toujours là. Pour ces souvenirs que le temps n'efface pas. Et enfin pour ma vie que je représente comme un fada. Pour ma familia, pour ceux qui sont là. Pour LAVA, L5353. Pour ma familia, pour ceux qui sont là. Pour LAVA, L5353. Pour elle, pour lui, pour toi, pour moi. C'est Guillermo toujours là. Je représente la même ville, les mêmes rimes, la même team, les mêmes gens, la même joie, la même foi. Pour elle, pour lui, pour toi, pour moi. C'est Guillermo toujours là. Je représente la même envie, la même vie, les mêmes rimes, la même team, les mêmes gens, la même joie, la même foi. C'est pour moi-même, pour tous les gens que j'aime. C'est pour les joies, pour l'amour, pour mes peines. C'est un besoin de crier toute ma haine. C'est pour ceux qui me soutiennent et pour ceux qui me comprennent. C'est pour ma famille et pour ma familia. Pour mes deux cassos, je serai toujours là. Pour ces souvenirs que le temps n'efface pas. Et enfin pour ma ville que je représente comme un fada.